Chapitre 4. Il y a sous le soleil une chose fâcheuse pour tout le monde, et particulièrement pour les petites filles, c'est que la sagesse est un travail, et que pour être seulement raisonnable, il faut se donner beaucoup de mal, tandis que pour faire des sottises, il n'y a qu'à se laisser aller. Homère nous apprend que Sisyphe était le plus sage des mortels. Cependant, les poètes le condamnent unanimement à rouler une grosse roche au haut d'une montagne, d'où elle retombe aussitôt sur ce pauvre homme qui recommence à la rouler. Les commentateurs se sont épuisés à chercher la raison de ce supplice. Quant à moi, je ne doute pas que, par cette belle allégorie, les anciens n'aient voulu représenter la sagesse. La sagesse est en effet une grosse pierre que nous roulons sans désemparer et qui nous retombe sans cesse sur la tête. Notez que le jour où elle nous échappe, il ne nous est tenu aucun compte de l'avoir roulée pendant nombre d'années, tandis qu'au contraire, si un fou vient à faire par hasard une action raisonnable, on lui en sait un gré infini. La folie est bien loin d'être une pierre, c'est une bulle de savon qui s'en va dansant devant nous et se colorant, comme l'arc-en-ciel, de toutes les nuances de la création. Il arrive, il est vrai, que la bulle crève et nous envoie quelques gouttes d'eau dans les yeux, mais aussitôt il s'en forme une nouvelle, et pour la maintenir en l'air, nous n'avons besoin que de respirer. Par ces réflexions philosophiques, je veux montrer qu'il n'est pas étonnant que Margot fût un peu amoureuse du jeune garçon qu'il avait aperçu dans son bain, et je veux dire aussi que pour cela on ne doit pas prendre mauvaise opinion d'elle. Lorsque l'amour se mêle de nos affaires, il n'est pas grand besoin qu'on l'aide, et on sait que lui fermer la porte n'est pas le moyen de l'empêcher d'entrer, mais il entra ici par la croisée, et voici comment. Ce jeune garçon en habit de hussard n'était pas autre que Gaston, fils de Madame de Radour, qui s'était arraché non sans peine aux amourettes de sa garnison et qui venait d'arriver chez sa mère. Le ciel voulut que la chambre où logeait Margot fût à l'angle de la maison et que celle du jeune homme y fût aussi, c'est-à-dire que leurs deux croisées étaient presque en face l'une de l'autre et en même temps fort rapprochées. Margot dînait avec Madame de Radour et passait près d'elle l'après-midi jusqu'au souper, mais de 7 heures du matin jusqu'à midi, elle restait dans sa chambre. Or, Gaston, la plupart du temps, était dans la sienne à 7 heures-là. Margot n'avait donc rien de mieux à faire que de coudre près de la croisée et de regarder son voisin. Le voisinage a de tout temps causé de grands malheurs. Il n'y a rien de si dangereux qu'une jolie voisine. Fût-elle laide, je ne m'y fierais pas, car à force de la voir sans cesse, il arrive tôt ou tard un jour où l'on finit par la trouver jolie. Gaston avait un petit miroir rond accroché à sa fenêtre, selon la coutume des garçons. Devant ce miroir, il se rasait, se peignait et mettait sa cravate. Margot remarqua qu'il avait de beaux cheveux blonds qui frisaient naturellement. Cela fut cause qu'elle acheta d'abord un flacon d'huile à la violette et qu'elle prit soin que les deux petits bandeaux de cheveux noirs qui sortaient de son bonnet fussent toujours bien lisses et bien brillants. Elle s'aperçut enfin que Gaston avait de jolies cravates et qu'il les changeait fort souvent. Elle fit emplette d'une douzaine de foulards, les plus beaux qu'il y eut dans tout le marais. Gaston avait en outre cette habitude qui indignait si fort le philosophe de Genève et qui le brouilla avec son ami Grimm. Il se faisait les ongles, comme dit Rousseau, avec un instrument fait exprès. Margot n'était pas un si grand philosophe que Rousseau. Au lieu de s'indigner, elle acheta une brosse, et pour cacher sa main, qui était un peu rouge, comme je l'ai déjà dit, elle prit des mitaines noires, qui ne laissaient voir que le bout de ses doigts. Gaston avait encore bien d'autres belles choses que Margot ne pouvait imiter, par exemple un pantalon rouge et une veste bleue de ciel avec des tresses noires. Margot possédait, il est vrai, une robe de chambre de flanelle écarlate, mais que répondre à la veste bleue ? Elle prétendit avoir mal à l'oreille et elle se fit pour le matin une petite toque de velours bleu. Ayant aperçu au chevet de Gaston le portrait de Napoléon, elle voulut avoir celui de Joséphine. Enfin, Gaston ayant dit un jour à déjeuner qu'il aimait assez une bonne omelette, Margot vainquit sa timidité et fit un acte de courage. Elle déclara que personne au monde ne savait faire les omelettes comme elle, que chez ses parents elle les faisait toujours et qu'elle suppliait sa marraine d'en goûter une de sa main. Ainsi tâchait la pauvre enfant de témoigner son modeste amour, mais Gaston n'y prenait pas garde. Comment un jeune homme hardi, fier, habitué aux plaisirs bruyants et à la vie de garnison, aurait-il remarqué ce manège enfantin? Les grisettes de Strasbourg s'y prennent d'autre manière, lorsqu'elles ont un caprice en tête. Gaston dînait avec sa mère, puis sortait pour toute la soirée. et comme Margot ne pouvait dormir qu'il ne fût rentré, elle l'attendait derrière son rideau. Il arriva bien quelquefois que le jeune homme, voyant de la lumière chez elle, se dit en traversant la cour « Pourquoi cette petite fille n'est-elle pas couchée ?» Il arriva encore qu'en faisant sa toilette, il jeta sur Margot un coup d'œil distrait qui la pénétrait jusqu'à l'âme, mais elle détournait la tête aussitôt et elle serait plutôt morte que d'oser soutenir ce regard. Il faut dire aussi qu'au salon, elle ne se montrait plus la même. Assise auprès de sa marraine, elle s'étudiait à paraître grave, réservée et à écouter décemment le babillage de Madame de Radour. Quand Gaston lui adressait la parole, elle lui répondait de son mieux, mais ce qui semblera singulier, elle lui répondait presque sans émotion. Expliquera qui pourra ce qui se passe dans une cervelle de 15 ans. L'amour de Margot était, pour ainsi dire, enfermé dans sa chambre, elle le trouvait dès qu'elle y entrait, et elle l'y laissait en sortant. Mais elle ôtait la clé de sa porte pour que personne ne pût, en son absence, profaner son petit sanctuaire. Il est facile, du reste, de supposer que la présence de Madame de Radour devait la rendre circonspecte et l'obliger à réfléchir, car cette présence lui rappelait sans cesse la distance qui la séparait de Gaston. Une autre que Margot s'en serait peut-être désespérée, ou plutôt se serait guérie, voyant le danger de sa passion. Mais Margot ne s'était jamais demandé, même dans le plus profond de son cœur, à quoi lui servirait son amour. Et en effet, y a-t-il une question plus vide de sens que celle-là, quand on adresse continuellement aux amoureux « À quoi cela vous mènera-t-il »« Eh, bonnes gens, cela me mène à aimer !» Dès que Margot s'éveillait, elle sautait à bas de son lit, et elle courait pieds nus, en cornette, écarter le coin de son rideau pour voir si Gaston avait ouvert ses jalousies. Si les jalousies étaient fermées, elle allait vite se recoucher, et elle guettait l'instant où elle entendrait le bruit de l'espagnolette, auquel elle ne se trompait pas. Cet instant venu, elle mettait ses pantoufles et sa robe de chambre, ouvrait à son tour sa croisée, et penchait la tête de côté et d'autre d'un air endormi, comme pour regarder quel temps il faisait. Elle poussait ensuite un des battants de la fenêtre, de manière à n'être vue que de Gaston. Puis elle posait son miroir sur une petite table et commençait à peigner ses beaux cheveux. Elle ne savait pas qu'une vraie coquette se montre quand elle est parée, mais elle ne se laisse pas voir pendant qu'elle se pare. Comme Gaston se coiffait devant elle, elle se coiffait devant lui. Masquée par son miroir, elle hasardait de timides coups d'œil, prête à baisser les yeux si Gaston la regardait. Quand ses cheveux étaient bien peignés et retroussés, elle posait sur sa tête son petit bonnet de tulle brodé à la paysanne qu'elle n'avait pas voulu quitter. Ce petit bonnet était toujours blanc, ainsi que le grand collet rabattu qui lui couvrait les épaules et lui donnait un peu l'air d'une nonnette. Elle restait alors les bras nus, en jupon court, attendant son café. Bientôt paraissait Mademoiselle Pélagie, sa femme de chambre, portant un plateau et escortée du chat du logis, meuble indispensable au marais, qui ne manquait jamais le matin de rendre ses devoirs à Margot. Il jouissait alors du privilège de s'établir dans une bergère en face d'elle et de partager son déjeuner. Ce n'était pour elle, comme on pense, qu'un prétexte de coquetterie. Le chat, qui était vieux et gâté, roulé en boule dans un fauteuil, recevait fort gravement des baisers qui ne lui étaient pas adressés. Margot l'agaçait, le prenait dans ses bras, le jetait sur son lit, tantôt le caressait, tantôt l'irritait. Depuis 10 ans qu'il était de la maison, il ne s'était jamais vu à pareille fête, et il ne s'en trouvait pas précisément satisfait. Mais il prenait le tout en patience, étant au fond d'un bon naturel et ayant beaucoup d'amitié pour Margot. Le café pris, elle s'approchait de nouveau de la fenêtre, regardait encore un peu s'il faisait beau temps, puis elle poussait le battant resté ouvert, mais sans le fermer tout à fait. Pour qui aurait eu l'instinct du chasseur, c'était alors le temps de se mettre à l'affût. Margot achevait sa toilette, et veux-je dire qu'elle se montrait ? Non pas, elle mourait de peur d'être vue, et d'envie de se laisser voir. Et Margot était une fille sage ? Oui, sage, honnête et innocente. Et que faisait-elle ? Elle se chaussait, mettait son jupon et sa robe, et de temps en temps, par la fente de la fenêtre, on aurait pu la voir allonger le bras pour prendre une épingle sur la table. Et qu'eût-elle fait si on l'eût guettée ? Elle aurait sur le champ fermé sa croisée. Pourquoi donc la laisser entr'ouverte ? Demandez-le-lui, je n'en sais rien. Les choses en étaient là, lorsqu'un certain jour, Madame de Radour et son fils eurent un long entretien tête à tête. Il s'établit entre eux un air de mystère, et ils se parlaient souvent à mots couverts. Peu de temps après, Madame de Radour dit à Margot : « Ma chère enfant, tu vas revoir ta mère. Nous passerons l'automne à La Honville. »